Le groupe Impact, qui n'existe plus, mais je crois qu'il venait de Montréal, de leur un petit EP qu'on sorti, qui s'appelle Cœur de Lion. Je vous fais jouer la chanson Skinhead, souviens-toi, par Impact ici à Sous Pression. nos idéaux. Tous ensemble et sans égo, nous nous battrons pour le racheter. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression, zone CHRY 105.5 FM à Toronto. Et si vous nous écoutez à Yolo Knife, vous nous écoutez à partir du CIVR 103.5 FM. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je m'appelle Mathieu, je suis avec vous jusqu'à la fin de l'heure, que je vous fais jouer du punk, du ska, du hardcore, tout en français. Dans le dernier bloc, on a écouté des bonnes tunes, on a commencé avec du Impact, la chanson Skinhead, Souviens-toi, de leur EP Cœur de Lion. Après ça, c'était Les Gueules Noires, de leur album Comme un air de révolte. On a entendu Intolérant face à l'intolérance. Et on vient terminer avec Embuscade, la chanson Jeunesse sacrifiée d'un album éponyme qui est sorti, ça fait plus de 10 ans maintenant, je crois. Alors c'est ça, je continue en musique et j'ai une petite présentation très bien spéciale pour vous. Je suis vraiment excité de pouvoir vous faire jouer ça. C'est par les partisans. Je viens de recevoir un petit EP de 2 morceaux qui ont sorti en 1998. L'EP s'appelle Les Lendemains qui dansent. C'est un EP de 2 morceaux. Je vais vous faire jouer la chanson Face au soleil. C'est un excellent album que j'ai reçu tard la semaine passée. de Mathieu, un des anciens membres des Partisans, qui fait maintenant membre du groupe Crève-Cœur. Alors, je vais jouer une chanson par les Partisans. Je les avais jamais entendus avant de recevoir le disque. Alors, je peux pas vous dire à quel point j'étais excité de pouvoir faire jouer ça. Alors, c'est ça, je vous présentais ça. En ce moment, c'est les Partisans de l'EP Le Lendemain qui danse, la chanson Face au soleil à sous pression. Face au soleil, tu prends pas le temps passé. Salut, vous écoutez toujours sous pression, zone CHRY 105.5 FM à Toronto et le CVR 103.5 FM à Yellowknife. On vient d'entendre du Action Sédition, la chanson Instinct de survie de leur album Rapport de Force, le groupe Action Sédition qui seront à Hamilton à la fin du mois d'avril, le 27 je crois que Rebel Fest dure le 26 et le 27 avril, seront à Hamilton, ici dans le sud de l'Ontario, faire un petit concert avec Mayday et plusieurs autres groupes. Avant ça, c'était du Molodoy, chanson Soleil et Acide, leur album Dragon Libre, et bien sûr, on a écouté Les Partisans de leur hippie Les Lendemains qui dansent, la chanson Face au Soleil, et je pense que je vais peut-être jouer de l'autre face... l'autre chanson, un peu plus tard dans l'émission, la chanson Tu danses. Alors, c'est ça. Alors, on est rendu à mi-chemin de l'émission. C'est le temps que je vous rappelle que Sous Pression a un site web. On a une présence sur l'Internet. C'est le souspression.wordpress.com. Souspression.wordpress.com. Vous pouvez écouter l'émission à partir du site web si jamais vous manquez ça. L'émission en direct ou si vous avez le goût de l'écouter une deuxième fois, une troisième fois, peut-être même une quatrième fois, vous pouvez faire ça sous pression.wordpress.com. Vous pouvez aussi voir la liste des chansons qu'on fait jouer à chaque semaine. On a aussi une présence sur Facebook. C'est facebook.com/sous-pression. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez aimer l'émission et venir à jour avec ce qui se passe dans le monde de sous pression, bien sûr, le monde du punk, du guy, du hardcore francophone. Et je pense qu'on a fait... Facebook fête ses neuf années aujourd'hui. Ça fait comme 9 ans que ça existe, depuis le début du mois de février 2004, là, que ça existe. Je sais pas, pour le meilleur ou pour le pire, je sais pas si c'est une bonne chose, pas une bonne chose. Ça permet de connecter avec beaucoup de personnes, mais de l'autre côté, le monde sont accros à Facebook et à l'Internet. Est-ce que si vous voulez... assez de discours déprimants pour la journée. Là. J'essaie d'être plus positif pendant le reste de l'émission. Si vous voulez me contacter, vous pouvez le faire à partir par le site de sous-pression, le site Facebook, mais aussi par courriel, sous-pression@commercial-chry.fm. C'est le sous-pression@commercial-chry.fm. Si vous avez des demandes spéciales, des commentaires, vous voulez partager la musique, contactez-moi, ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. Et alors c'est ça. Là, on a aussi, j'en parle pas assez, une présence sur Twitter. Alors, je fais pas grand chose avec ça, mais c'est si vous êtes sur Twitter, vous pouvez suivre l'émission. C'est le à commercial sous pression 105. Alors si vous pouvez trouver ça et nous ajouter, ça me ferait plaisir, ça me ferait très chaud au cœur. Alors c'est ça. Je continue la musique avec une chanson par le groupe québécois Les Parguillas. Le groupe n'existe plus, mais la musique vit pour toujours, éternellement. Alors, je vais faire jouer une chanson de leur album, La Nuit des Lombiers. C'est le troisième morceau, ça s'appelle Toi, mon pote. Alors, voici Toi, mon pote par Les Parguillas ici à Sous Pression. Dansez, là, dans vos salons. Je veux vous voir danser. We'll continue. Pour la guerre et nos amis, nous avons resté nés. take time. Encore et deux jours, te revoir ici un jour. plus mal finir. Ma grande la foi amènera qui est à l'illusine. Revois encore les bons moments avec quel ambiance. Pour faire ta vérité, storm en témérité. Qui t'aura mérité de construire les poignets fracturés. Voilà où ça commence derrière toi comme un vétéran. Et chaque fois qu'on l'a dans la musique, c'est pas différent. On a fait les 400 tours, les histoires en 45 tours. Racontez comme un disque qui tourne. On a fait les 400 tours, les histoires en 45 tours. Racontez comme un disque qui tourne. Oui, ça dérange, je peux faire appel à les différences. Les gens finirent ben comme itinérance. On l'a fait faire les hivers sur elle et ça revienne. Quand il fait chaud comme le sang qui coulait dans tes veines. Pas sur les plaies, boulets et pour un squat. Et qu'on sent bien l'ambiance qui règne là. De retour sur l'os qui tourne des têtes à l'apogée. Ça fait nous rapprocher et dans la danse est arrivé. On a fait les 400 coups, les histoires 45 coups. Racontées comme un disque qui tourne. On a fait les 400 coups, les histoires 45 tours. Racontées comme un disque qui tourne. Rappelle dans l'art, regarde tout le monde en a deux. Fouiller les comptes du BSL, les trouver longs. Faire le décompte des concerts et de nuits au terrain. Autant de fois faire déborder le local. Ou monter parfois les flics à l'endroit illégal. Sur le bootleg, écouter de bout à l'autre. C'est la seule copie pour ces moments qu'on a travaillé ici. On a fait les 400 coups, les histoires en 45 tours. Raconter comme un disque qui tourne. On a fait les 400 coups, les histoires en 45 tours. Raconter comme un disque qui tourne. Salut, viens t'écouter du Soul and Spirit, la chanson 45 tours tirée d'Or et puis une allumette sortie il y a environ un an, en 2012, le groupe de reggae montréalais qui est composé de d'anciens membres de Les Esclaves Salariés et des membres de Jeunesse Apatride avec d'autres personnes, bien sûr. Avant ça, on écoutait Les Partisans, la chanson Tu danses du EP Le lendemain qui danse, un excellent disque de deux morceaux que j'ai vraiment l'honneur de pouvoir vous jouer aujourd'hui. Avant Les Partisans, c'était du Critical Convictions. On a fait du passé de Critical, du Hardcore jusqu'au Partisan dans une shot. Critical Convictions, la chanson Assimilation. Jerby avant ça avec Brut Épaisse, Bonne Journée avec le Zoo. Eric Panic de leur album Catharsis, La Raison du Vide. Avant ça, c'était Les Ordures Ioniques, la chanson Héritage. Et on a commencé le dernier bloc avec une chanson par Les Pargas. La chanson Toi mon pote de l'album La Nuit des Lombiers. Alors je vous laisse avec une dernière chanson. Enfin, je vais jouer une chanson de Nuclear Device. De leur album Western Electric, je vais jouer la chanson Frontières, un bon morceau. Je vous laisse avec ça, passez une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure, même station de radio, ou si vous écoutez à partir de l'internet, du même site web, souspression.wordpress.com. Passez une excellente semaine, prenez soin de vous, et on se retrouve la semaine prochaine. Voici du Nuclear Device.